Les Vieilles, de Poèmes, par Émile Verhaeren. Enregistré pour LibriVox.org par Camisole, cet enregistrement fait partie du domaine public. Les Vieilles. Les chairs, les belles chairs en fleurs des gouges mortes, jeunes encore, où vont-elles? Et qui de nous les verra resplendir ailleurs, rouges et fortes, et les adorera toujours à deux genoux? Souvent, lorsque juillet flamboie, on rêve d'elles, de leurs beaux corps défunts, qu'on a connu jadis, et plus haut que ne va le vol des hirondelles, près des cieux on croit voir de lointains paradis embrasés de lumière et tapissés de nus, où l'œil vainqueur, les seins sortis du corset d'or, des anneaux de rubis cerclant leurs jambes nues, le front plaqué d'un feu de soleil qui s'endort, les gouges dans leur gloire ardente se promènent. Ah, celles-là, du moins, ont bien fait de mourir avant que les laideurs et les maux se déchaînent sur leur être superbe et trop beau pour souffrir. Mais d'autres que voilà, toutes celles que l'âge courbe, casse, salit, ruine et rabougrit, qui subissent, l'échine en deux, le vaselage du cerveau qui s'hébète et du cœur qui pourrit, qui ne veulent crever, quoique jaune, flétrie, qui s'accroche au monde et se sèche d'aigreur, bien que les temps soient là des voluptés taries, sont celles que je hais. Celles qui font horreur. Ah, chair de vieille, chair veule, rêche, moisie, mauvaise chair, tout au plus bonne pour les vers, pourquoi ne pas, avant la sinistre étisie, purger de tes humeurs séniles les champs verts, de ta lèpre l'air frais et de ta jalousie les beaux soirs, le soleil et les chemins d'amour. Chair puante, pourquoi salir de toi la terre, et qu'avons-nous besoin de ta hideur, le jour? Vois donc comme il jaillit flamboyant d'un cratère d'aube, comme il émaille en bleu les cieux ardents, comme il rosit au front l'enfance et la jeunesse. Pour vous, vieille, le jour, c'est le masque sans dents. C'est la paupière où du pus congelé se presse, faisant comme une plaie à chacun de vos yeux. C'est le menton piqué de poils roux, c'est la teigne qui ronge par endroits le gris de vos cheveux. C'est un cancer servant à vos faces d'enseigne, ce sont vos deux sourcils raclés, ce sont vos seins clapotant sur les flancs, leurs flic-flac de vessie flasque, ce sont vos bras osseux, ce sont vos reins, vos doigts, vos mains, vos pieds gonflés d'hydropisie, c'est votre corps entier gluant, lépreux, perclus, carcasse répandant une telle asphyxie que les chiens de la mort n'en voudront même plus. Fin de Les Vieilles.